croyez-vous tenir des raisons méritant que l'on manifeste pour me faire sortir de mes gonds, trouver de meilleurs prétextes. Combien me regard aigre doux, mes manies comme mes manières s'affichent pour vous agacer, et les paris pour vous déplaire font de moi un panier percé. Sur mon genre plutôt mesurer, vous êtes en train de vous méprendre. A-t-on besoin de tant hurler pour parvenir à s'entendre? Combien me rendent folle vos remontrances molles? Combien me regard aigre doux, quand je vous tourne en dérision, s'il vous plaît, froncez les sourcils, vous aurez de vraies raisons de vous en faire de la pile. Si je modèle mes paroles et me fait économe de gestes, c'est que vous êtes vraiment drôle dans le rôle de la peste. Combien me rendent folle vos remontrances molles? Combien me regard aigre doux. Ne feignez pas l'indifférence, ne fuyez pas pour m'éviter. Avant tout, faites-nous violence pour nous en un peu mieux aimer. Patience nous a le temps avant d'en arriver aux mains. Pour tout dire, il est assez plaisant de garder un sourire en coin. Combien me rendent folle vos remontrances molles? Combien me regard aigre doux.